Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter un grand orchestre international. Il s'agit de l'African All-Star 79 et sa vedette, l'international Sam Mangwana. 1, 2, 3. Saturday night, Africa All Stars playing at the Q Club, London. Yeah. Matina, matina, oh mama, tu m'as dit si matina, chérie à moi. Pourquoi tu fais moi comme ça? J'ai commencé mes grilloué, chéri nanga, ah matinda, youyou moke. Matinda, matinda, oh mama, tu m'as dribblé matinda, chéri à moi, si ça continue comme ça, j'ai commencé à finir. Comme bougie allumée, oh, chérie nanga. Matinda, matinda, tu m'as déçu, matinda. Pourquoi tu fais moi comme ça? J'ai commencé mes grilloués, chérie nanga. Ah, matinda, you monté. C'est pas la peine, nani a tinda kio, on poussa tika au mona. Matinda, oh matinda, eh. Oh mama, tu m'as déçu matinda, eh. Chérie à moi, pourquoi tu fais moi comme ça? J'ai commencé mes grillouillou, eh. Chérie nanga. Matinda, you moke. Matinda, matinda, eh. Oh mama, tu m'as dit que matinda, eh. Chérie à moi, si ça continue comme ça, j'ai commencé à finir comme bougie allumée, oh. Chérie nanga, ah matinda, you moke. Abidjan, Libreville, je suis. suivi Matinda au Congo. J'arrivais à Brazzaville, oh Matinda traversait Kinshasa. Mon argent fini Matinda. Aïe aïe aïe, pas moyen. Mon argent fini Matinda. Pas moyen de tourner l'Oméo. Ah Matinda. Estrogné. Passé pour l'année, j'ai suivi à Cotonou et puis est parti à Lagos. J'ai suivi à Niamey, oh Matinda couru parti Bamako. Tu m'as déçu Matinda, aïe aïe pas moyen. Tu es arrivé à Ouagadougou, tu montais très pour Abidjan. Abidjan Libreville, j'ai suivi Matinda au Congo. J'arrivais à Brazzaville, oh Matinda traversait Kinshasa. Mon argent fini Matinda, aïe aïe aïe. Ça va chauffer, je vous l'assure.